Oh, ça fait longtemps qu'on n'y a pas parlé, mais là, l'actualité l'exige, l'actualité business du sport l'exige avec notre ami Charles Demet. Salut Charles. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Charles, passe un bel été? Très bel été, un Les été capitales, comment ça a chargé. été, Fibal, les capitales? L'équipe Québec, comment ça a été? Les assistances, comment ça a été, tout ça? Écoute, ça a été au-delà de nos espérances. Pour être bien honnête, Danny, lorsqu'on a envoyé l'équipe sur la route au début de l'année, on ne savait pas si l'équipe allait pouvoir être de retour. Vers la fin juillet, on nous a annoncé que les douanes étaient réouvertes et qu'on pouvait ramener l'équipe ici pour terminer la saison. Ce qui nous a permis de disputer 12 matchs ici à Québec et 12 matchs à Trois-Rivières. Pour nous, ça a été un franc succès. Les assistants sont au rendez-vous, les partenaires ont été au rendez-vous, donc ça a été extrêmement bien. J'en parle souvent avec Michel Laplante, Charles. Est-ce que ce serait possible d'avoir des matchs à la télévision des capitales? Parce que là, la Ligue Frontier, là, ça devient de plus en plus fort, là. Oui. Michel, il dit tout le temps, oui, mais ça coûte de l'argent, puis je suis d'accord avec ça, mais quand tu vois les Lions de Trois-Rivières à TVA Sport, là, Oui. c'est sûr que les Lions, ben, t'as le Colisée Vidéotron, t'as le aussi, c'est Québécois qui est en arrière de ça. Fait que c'est sûr que au lieu de coûter, moi on me dit que ça coûte 25 000 $ pour dire un match des capitales, faut que tu trouves les commandites et ainsi de suite. Faut que tu achètes. C'est sûr que les Lions, eux autres, probablement qu'ils payent pas une cent pour ça, là. Fait que mais tu Ça sais, serait ça. c'est ça un bon statement, là. La Ligue Frontier, c'est plus ce que c'était, là. Non, effectivement, ça serait une possibilité. On le regarde depuis plusieurs années. En fait, lorsque tu regardes différents sports qui sont probablement moins populaires que le baseball, puis qui sont présentés dans les réseaux sportifs du Québec, bon, il y en a plusieurs qui se posent la question, puis qui se demandent pourquoi que nous, on n'est pas, que la Ligue Frontière, les partis ne sont pas présentés à la télévision. Il y a plusieurs éléments dans le sens que ça prend un produit qui est provincial, on va dire ça comme ça, donc il y a un intérêt provincial et présentement, donc l'intérêt pour la Ligue frontière est beaucoup plus à l'est du Québec, donc dans la région de Trois-Rivières, la Mauricie et dans la région de Québec. Mais moi, Dans s'il la n'y aurait région. pas un stade de Montréal, m'a dit une affaire, s'il n'y aurait pas un stade, c'était qu'à Montréal, qui se dit une ville majeure, on n'est même pas capable de faire un stade pour avoir une équipe. C'est épouvantable. Qu'est-ce que tu penses à ça, là? C'est épouvantable. Mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça que je t'appelais. Je t'appelais pour beaucoup de sujets. Le premier sujet que je veux te parler du CF de Montréal. J'avais dit que je ne ferais plus d'entrevue là-dessus, mais là, il y a le côté business du sport que je veux t'emmener. Kevin Gilmour a démissionné la semaine passée. Tout le monde se pose la question, est-ce que l'impact pourrait revenir? Toi, comment tu vois ça? Moi, je pense que c'est à peu près juste ça que ça prend, là, à peu près. Tout de suite, c'est la première réaction que les gens ont eue. L'impact, l'impact, l'impact. Ben, T'sais, je ne crois pas que, pour être bien honnête, puis pour avoir discuté avec des membres qui travaillent, des gens qui travaillent pour l'Impact, je vais être bien honnête avec toi, Danny, je ne crois pas que Kevin Gilmour est l'unique responsable du changement de marque, donc du changement de nom et du changement de logo de l'Impact vers le CF Oui, mais Montréal. c'est, En fait, mais dans l'entreprise, dans le public, ça semble, c'est juste lui, là, En fait, l'opinion là, du changement de marque du CF Montréal, on a vu les répercussions à court terme. Donc, au niveau communicationnel, on peut juger très rapidement la stratégie, mais à long terme, est-ce que ça peut être une stratégie qui est gagnante? Est-ce que l'équipe va pouvoir, par exemple, vendre plus de marchandises? Est-ce que les fans pourront s'identifier davantage à l'équipe à long terme? Est-ce que donc c'est toutes des réponses parce qu'on s'entend dessus que il faut mesurer l'impact sur le long terme pour savoir s'il y a des partisans, donc s'il y a des fans de l'équipe qui ont le débarqué de la base de fans. Donc Ben, il y en a si beaucoup, là. Tu sais, Jérémy Filosa qui est branché là-dessus l'a dit lui-même. Tu sais, juste avoir, il y a un podcast, Jérémy Filosa, puis dès que Kevin Gilmour a annoncé sa démission, déjà, il y a réabonnement de podcast, parce qu'il y a de l'espoir que l'impact revienne. Ça veut tout dire, là. Mais en fait, oui, puis moi, je pense pas que c'est la décision de Kevin Gilmour de quitter le CF Montréal vient de du rebranding de l'organisation. En fait, c'est pas considéré encore comme un échec. À long terme, à moyen long terme, on va pouvoir savoir si c'est un bon coup marketing ou si c'est un moins bon coup. À court terme, on pourrait dire que c'est un moins bon coup, mais il faut laisser le temps à la marque de faire son temps. Donc, il faut être capable de savoir qu'est-ce que ça va faire sur le moyen long terme. Donc, est-ce que l'équipe va être en mesure de pouvoir récupérer ses fans avec le même branding? Est-ce qu'ils vont être capables de... Et ce qu'il faut penser, là, c'est que la pandémie COVID-19 a eu des répercussions énormes sur le rôle des dirigeants des équipes professionnelles de sport. Ça a été des années extrêmement exigeantes pour les présidents, les directeurs généraux des organisations sportives. Puis, je te dirais que si c'est pas le premier, Kevin Guillemot a annoncé sa démission, a donné sa démission, puis a annoncé son départ après 2 années extrêmement difficiles. Donc, tu sais, de son côté, je pense pas que la décision soit uniquement motivée par le fait que le rebranding de l'organisation a été, on va dire, entre guillemets, un échec à court terme. Mais on dira ce qu'on voudra. Là, je ne suis pas d'accord avec toi, mais tu es bien plus connaissant que moi là, là-dessus. Là. Mais j'écoute les gens parler, j'écoute les gens. Les gens sont en furie. Donc, tu peux. Faut, maintenant, il faut que tu écoutes ta clientèle. L'impact, le monde est en furie. L'impact. Tu sais, il faut que tu bâtisses une histoire. Tu as une histoire à bâtir. Là, l'impact, leur histoire t'est déjà faite. Tu as une tradition de soccer. Le monde aimait ça. C'était pas ça le problème. Encore là, c'est CF de Montréal. J'écoutais un podcast cette semaine, puis il avait raison, le gars. Je sais pas c'est qui. Si tu t'emmènes le CF Montréal, puis t'emmènes un Didier Drogba, ben, quelque part, les gens s'en foutent un peu du nom, mais faut que ça suive. Puis t'as des investissements majeurs dans le stade. Faut que c'est correct. Mais là, il y avait rien, là. Il y avait pas d'investissement majeur, il y avait pas une grosse vedette. C'est juste changer de nom pour changer de nom, là. Ben en fait, oui et non. C'est que il y a une oui et non. En fait, le diagnostic de changement de nom est plus profond que ça. T'sais, moi, je connais des gens qui travaillent au marketing de l'impact. Puis c'est pas des pieds de biche. C'est des gens extrêmement intelligents qui ont un processus derrière. Est-ce que la stratégie communicationnelle a été bonne? C'est peut-être remise en question à court terme. Est-ce que c'est une bonne décision? C'est probablement pas à court terme, mais à moyen long terme, est-ce que ça pourrait l'être? Est-ce que les gens vont se rattacher à leur équipe quand même? Parce qu'on s'entend que des équipes en MLS, il n'y en a pas une tonne au Québec à qui s'identifier. Donc, la communauté de football et de soccer de la grande région de Montréal et même du Québec s'associe à cette équipe-là. Donc, et on s'entend que l'équipe, le rebranding d'une organisation, il y a un stade de maturité, hein? Il y a un stade de quand le faire. On s'entend-tu que le Canadien de Montréal procédera probablement jamais à un rebranding, au même titre que les Yankees de New York, parce qu'ils ont une image de marque extrêmement forte et ils ont une culture qui est ancrée dans l'imaginaire des gens, qui fait en sorte que cette équipe-là ne pourra pas changer de nom parce qu'elle a une historique très, très forte, elle a un sentiment d'appartenance très, très fort. L'impact, est-ce que c'était vraiment le cas? Donc, on a vu qu'il y a plusieurs équipes qui ont procédé à des rebrandings, à des changements de nom, des changements d'image de marque. Et on voit qu'au football, c'est un sport qui est beaucoup plus conservateur, c'est plutôt rare, très, très rare en fait. Donc, tu sais, c'est relatif, c'est vraiment relatif. Mais, je suis pas d'accord, mais c'est correct, là. Moi, je dis qu'à quelque part, faut que tu as une tradition à bâtir. Écoute, tu fais un match des anciens avec dans 10 ans, tu fais quoi, là? Mais en fait, je pense que Tu la sais, culture. Mais tu sais, faut. quand tu regardes en quelque sorte qu'est-ce qu'il y a eu, tu sais, il y a des équipes qui ont procédé à un rebranding complet de leur organisation. On va penser, exemple, sans dire de logo, là, mais on va penser au rebranding des dernières années de la Caroline. Donc, les Hurricanes de la Caroline n'ont pas changé de nom, n'ont pas changé de logo, mais ont changé d'uniforme. L'équipe marketing fait un job incroyable là-bas. On va penser aux Diamondbacks de l'Arizona qui ont changé complètement de couleur, même de logo presque. Ça a été extrêmement positif pour leurs assistants. Tu sais, donc, ça dépend vraiment de la façon dont c'est procédé. Et les impacts, en fait, pour moi, il est encore trop tôt après un an pour mesurer les impacts de ça. Je pense qu'il faut qu'on leur laisse un peu plus de temps pour voir quels sont les impacts sur les assistants, quels sont les impacts sur les détenteurs de billets de saison, quels sont les impacts sur la marchandise qu'ils vendent, sur leur fanbase qui sont capables de grandir. Donc, je pense que ça a un impact par rapport à ça. En tout cas, moi, je suis pas. En tout cas, bref, Moi, je dis que ça a changé, et ensuite, on pourrait en parler longtemps. À qui tu vois comme président? Un nom pas connu, j'espère que non. Moi, j'ai lancé un nom, puis je suis convaincu qu'il serait bon. Par contre, c'est pas populaire, mais il serait très bon pareil, là. C'est Denis Coderre. Il vient de perdre ses élections, là. Ça prend un gars qui. Ça prend pas juste. Là, on entend Nick DeSantis, Patrice Bernier. C'est pas ça que ça prend. C'est juste au niveau sportif, mais tu sais, Charles, t'es dans le business du sport. Ça prend pas mal plus que ça. Ça prend un gars qui est bon dans les communications, qui est un bon communicateur. Ça prend un gars qui a des entrées dans les gouvernements. C'est sûr qu'avec Valérie Plante, ce serait difficile, mais avec les autres, au fédéral, au provincial, je pense que Denis Coderre a les entrées. Ça prend un gars qui a des entrées dans le business. Denis Coderre en a. Ça prend un. Tu sais, t'arrives avec une Valérie Fortin, comme on a entendu parler. Personne ne la connaît. Elle était bien bonne dans les affaires, mais ça prend plus que ça, là, pour monter un autre step. Moi, Denis Coderre est mon choix. Je ne veux pas dire que ça va arriver, mais ce serait un gars comme ça. Ben moi, je vais challenger un peu ton point de vue, mais en même temps, parce que, en fait, un président d'une organisation sportive, il doit être, en fait, il doit avoir un capital politique, mais un capital de sympathie à l'égard du public extrêmement bon. Donc, il doit représenter l'image de marque de l'organisation. OK. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que l'image de Denis Coderre dans la ville de Montréal et dans la région du Québec est capable de réunir et d'englober tous les partisans et les consommateurs, on va dire ça comme ça, du CCF Montréal. Alors, en quelque sorte, tu dois te poser la question, est-ce que d'avoir une personne comme ça va être plus profitable que va être négatif? Moi, je pense que Denis Coderre, il y a beaucoup, beaucoup de partisans, mais il y a également d'autres personnes dans la région de Montréal qui ne sont pas nécessairement Ouais. en accord, qui ne suivent pas nécessairement son système de valeurs, qui ne suivent pas nécessairement. Fait que moi, je pense qu'il y a dans la vie, il y a les compétences politiques, il y a les compétences au niveau managérial, il y a d'énormes compétences, il y a d'énormes contacts aussi, très grands réseaux de contacts. Est-ce que c'est la bonne personne, puis est-ce qu'il est capable d'attirer un capital politique, un capital public de sympathie assez fort pour pouvoir occuper ce poste-là? Est-ce que dans le fond, Ben, c'est sûr que c'est pensé. Il laisse personne indifférent. Exact. En tout cas. Hey, d'autres sujets, il y a déjà 11 minutes de passer, puis moi je veux pas des podcasts d'une demi-heure, là. La baisse de 22% de la LHJMQ est des foules. Toi, t'es directeur général des capitales, tu sais très bien. Comment t'en. Moi, je dis qu'à quelque part, l'inflation, les campagnes de peur, la passe sanitaire, ça a tous des liens, là. Ça a tous des liens avec les baisses de code de. Puis il y a une baisse d'intérêt dans le sport, on le voit aussi, là. Donc, est-ce que tu es d'accord avec moi que ça justifie tout ça? Ben en fait, c'est pas la première année que les assistances dans dans la LHJMQ sont en baisse. Hein. On s'entend que c'est une tendance qui se maintient depuis plusieurs années. Est-ce que la LHJMQ est capable de s'ajuster aux tendances du marché? Est-ce qu'elle est capable d'aller chercher le consommateur moyen du hockey junior? Est-ce qu'elle est capable de bien le faire? Clairement, il y a une lacune parce que les assistants sont en baisse depuis plusieurs années. Est-ce que la baisse est plus marquée cette année? La réponse, c'est oui, tu viens de le dire, 22%. Écoute, moi, je pense que les tendances du consommateur moyen en général sont chamboulées actuellement. Donc, dans la dernière année, le consommateur a dépensé beaucoup, beaucoup. Le pouvoir d'achat des consommateurs a augmenté, en quelque sorte, on va dire de façon superficielle. Donc, les gens augmentent, dépensent plus. Mais est-ce que là, le temps commence à rattraper ces gens-là et que dans le fond, la Ligue junior majeure est la première à écoper de ça? En termes de sport, au niveau du sport, écoute, c'est une question qui se pose présentement. Comme je te dis, les assistances au niveau junior majeur sont jamais extrêmement bonnes d'habitude en automne, à l'automne. Donc, après le championnat du monde junior, d'habitude, c'est après ça que là, le hockey commence à prendre son envol et que les assistances sont à la hausse. Donc, je pense qu'il est encore tôt pour pouvoir, encore une fois, émettre un diagnostic, mais effectivement que ça sent pas bon. OK. Hey Charles, en terminant, mon chum Frédéric Daigle de la presse canadienne a écrit un bon article sur la business du sport, sur les coûts qu'ils se donnent. Toi, t'as quoi? T'as une maîtrise en sport ou t'es en train de la faire là, dans business du sport, en management du sport? Ouais, moi, je fais mon doctorat actuellement Ok, à doctorant. l'Université Okay. Laval. Ouais. Dis-moi, tu sais pas, j'ai lu l'article la semaine passée là, de Frédéric Daigle là-dessus, j'aurais dû te l'envoyer avant de. Lui, il parle évidemment des perspectives d'avenir, des inscriptions, parce qu'on fait évidemment référence à Alexandre Topoulos, un Québécois qui est rendu à Montréal, qui est d'Atlanta, qui est directeur général des Braves d'Atlanta maintenant, qui a commencé comme bénévole chez les Expos et ainsi de suite. Tu connais l'histoire d'Alexandre Topoulos, c'est pas Ouais, mal ouais, de ouais. l'expliquer là. Lui, bon, on a fait Fred a fait le tour avec Richard Legendre sur la business du sport. Moi, je te le dis, j'aurais 19 ans, là, je voudrais recommencer. Ça, c'est probablement un domaine qui m'intéresserait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est sûr, j'ai de la misère à l'école, j'ai toujours eu de la misère, mais peu importe, c'est pas pour moi que j'appelle, là. Est-ce qu'il y a de l'avenir pour quelqu'un qui veut écrire, qui veut se lancer là-dedans? Tu sais, c'est bien beau, les Alexandre Topolos qui atteint les Braves d'Atlanta, il n'y en a pas, c'est probablement une exception, là. Il y a trois clubs professionnels au Québec, puis ça, les Alouettes et l'Impact, pas sûr que ça gagne des gros salaires, mais la business du sport, y a-t-il de l'avenir là-dedans? Ben en fait, oui, il y a de l'avenir, Danny, puis je pense que c'est généralisé dans le sport, on va dire, en fait, de niveau mineur. Je vais te reprendre, tu as dit qu'il y avait trois clubs professionnels, il y en a Ben, cinq parce qu'il y a il y en a également les cinq, Capitals du Québec. mais on s'entend-tu pour dire que les Capitals, vous n'avez pas les moyens de payer un gars à 80 ou 100 000 par année, là? Ben en fait, c'est relatif parce qu'un directeur général des Capitals va gagner à peu près le même salaire qu'un directeur général d'un club 3A au niveau des ligues mineures au baseball. Il va gagner probablement la même affaire aussi qu'un directeur général dans la Ligue américaine au hockey. C'est relatif, en Ça gagne somme que. combien à peu près? 80 000 à peu près? Ben, je te dirais que ça dépend. OK. Moi, je vais être bien honnête, j'ai été extrêmement chanceux. Je suis tombé directeur général des Capitales à 26 ans. OK. À 26 ans, je venais de terminer ma maîtrise en management du sport. Je travaillais pour les Capitales déjà à l'époque depuis 6 ans. Donc, je connaissais bien le produit. J'ai joué au baseball jusqu'au niveau junior majeur. Donc, j'étais dans le moule depuis extrêmement longtemps. Donc, ça a été facile pour moi d'occuper ce poste-là au départ. Maintenant, ça va faire 3 ans là, que je suis dans l'organisation comme directeur général. Je te dirais que oui, effectivement, c'est des salaires. En fait, dans le sport professionnel, il y a tout le monde veut ces postes-là. Hein. Donc, Ben ouais, c'est tout sûr. le monde veut être directeur marketing demain matin du Canadien de Montréal. Tout le monde. Donc, il y a beaucoup une plus grosse demande que l'offre au niveau du marché du travail dans le sport professionnel, ce qui fait en sorte que les salaires sont extrêmement bas. Donc, on est à peu près normalement en dessous du marché de 30 %, 30 à 35 %. Donc, exemple, un directeur général dans une entreprise va gagner 100 000 $. Donc, on va mettre 65 000 à peu près pour le directeur général. Je dis pas que c'est généralisé. Si, exemple, plus le ça l'augmente, donc on va dire qu'un directeur général gagne 150 000, bon, c'est peut-être plus autour de 100 000. Donc, on est 30 % à peu près en moyenne en dessous du marché. Mais il faut pas juste regarder le salaire proprement dit. Donc, faut toujours penser que la job dans le management du sport ou dans le sport professionnel, c'est un tremplin pour accéder à un autre niveau. Donc, la majorité des gens dans le sport professionnel aux États-Unis, donc la mentalité est différente qu'au Québec, fonctionne ce sont des interns, donc des stagiaires. Donc, ils rentrent au plus bas niveau, comme M. Antopoulos a commencé, puis à ce de ça, ils espèrent accéder à d'autres niveaux. Donc, c'est même ce Ouais. projet. Mais ça, d'Alexandre Polo, c'est une exception, là. Mais regarde, pour être plus réaliste, là, ça peut-tu, tu peux-tu être, mettons, faire partie des programmes scolaires comme le Rouge et Or, comme le Vert et Or, comme Ouais. directeur, je sais pas moi, du sport-études dans un cégep. Ça, c'est pas mal plus réaliste. Est-ce que la management du sport amène ça là? Oui, effectivement. Il y a des fédérations sportives également. Ouais, les Donc, fédérations il y a sportives. Moi, je pense que c'est pas il y mal a plus réaliste, là. Sport Québec. Donc, il y a plein de possibilités à ce niveau-là. Je te dirais que le sport professionnel, c'est un marché extrêmement agressif. C'est un marché qui est difficile. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures avec des ressources qui sont limitées. C'est un marché du travail qui est extrêmement stressant aussi, donc il y a besoin d'être capable de travailler sous pression. Mais c'est le plus bel environnement de travail, je pourrais l'avouer. OK. Ben, toujours intéressant, Charles. On va recommencer bientôt nos chroniques. C'est sûr que ça va avec l'actualité du monde du sport. Fait que merci beaucoup. On s'en parle un autre tantôt. Ça marche. Charles Merci, Demers, Eric. qui est Salut. du la business du sport.